Voici votre butin régional. Appel d'offres, entretien des pelouses, Office municipal d'habitation de Saint-Isidore. Le soumissionnaire devra fournir ses équipements, tondeuse, taille-bordure, carburant, balai, etc., pour l'entretien des pelouses pour la saison d'été 2015 du 20 et 30 Curie-Favreau. Les personnes intéressées obtiendront le formulaire, par la poste ou par courriel, auprès de sylviane@axian.ca ou au bureau municipal 66 chemin Oakland. Les soumissionnaires pourront visiter les lieux entre 10 et 14 heures, chaque jour ouvrable, en s'adressant à Sylviane Marchand au 819-452-3770. Les personnes intéressées devront remettre leur soumission dans l'enveloppe fournie à cet effet avant le 29 avril 2015 par la poste ou par courriel. À 15 heures, les soumissions seront ouvertes immédiatement au 20 Curie Favreau. L'Office municipal d'habitation de Saint-Isidore de Clifton ne s'engage pas à accepter la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Le 29 avril à 19 heures, l'ATCD tient son Assemblée générale annuelle à la Maison de la culture de Dodgewell. Pour plus de détails, 819-560-8474. En mai, à la Galerie Le Harfan de Whedon, on présentera les œuvres des étudiants de la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Avant le 1er mai, profitez d'un rabais sur la carte de membre au club de golf de East Angus. 819-832-3643. Le 4 mai, souper par la fête des mères des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis numéro 662, à 18h, à la salle Pierre-Labrecque, au sous-sol de l'église Saint-Louis de France de East Angus. Coût 15$. Bienvenue à tous les membres. Il faut réserver avant le 1er mai. Information, Estelle Fauché, 819-832-2173. Souper de la fête des mères de la féasse de East Angus, le 11 mai, à 18h, à l'auberge Le Brest. Bienvenue à tous les membres. Réservation avant le 1er mai. Information, 819-832-2656.